Bonjour à tous, aujourd'hui 2 juin, nous sommes avec Arnaud qui a terminé le CMO, car il a trouvé sa place d'apprentissage. Salut Arnaud, comment vas-tu ? Bien et toi ? Bah, super, alors qu'est-ce que tu as trouvé comme place ? J'ai trouvé médiamaticien dans une école à Sainte-Croix au CPNV. Au CMO, qu'est-ce que tu faisais ? Ben, j'étais beaucoup dans l'atelier informatique et puis on faisait des montages vidéo, des reportages photos, des interviews, tout ça quoi. La radio, donc c'est dans la radio que tu faisais ça, c'est quoi comme radio ? C'est la radio CEMO en fait, c'est 4 jeunes du CEMO, Antoine, Julia, Brian et moi qui avons voulu la créer, ont été motivés pour faire des petites interviews et ça, puis ben, on a créé une radio avec des interviews, et des émissions et plein de choses. Et ton meilleur souvenir au CEMO, c'était quoi ? C'était la grosse bagarre à Laser Game, là, le dernier jour, la sortie pour ceux qui avaient trouvé leur place, c'était marrant. On leur a mis une lamentable corrigée. Est-ce que tu as un mot à dire pour l'atelier informatique ? Bon, on est les meilleurs, c'est tout. Puis voilà. Pour la radio, ici, justement, on est dans le studio. Donc pour la radio, est-ce que tu as un mot à dire pour les personnes qui vont reprendre la radio ? Ben, essayez d'être aussi bien que nous, quoi. C'est tout. Bonne chance à vous. Puis ben, faites de votre mieux, quoi. Est-ce que tu as des conseils à donner ? Ben, il faut travailler dur. Et puis surtout, quand vous commencez un travail, allez jusqu'au bout. Sinon, j'en connais un qui va pas être très content. Ok, bah merci Arnaud. Est-ce que tu as un dernier mot pour tout terminer ça sur le CEMO ? Eh ben, merci beaucoup au CEMO pour m'avoir aidé à trouver ma place. Puis ben, je reviendrai. Hein. Merci beaucoup. Voilà, c'était Antoine Cambert pour Radio CEMO avec Arnaud Pélissier.